L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Jean-Luc Demandre, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Connaissance de la Meuse. Oui. Et Connaissance de la Meuse, on les connaît surtout par le spectacle des Flammes à la Lumière qui rythme la vie de Verdun depuis 1996 maintenant. Et ce dimanche 22 avril va avoir lieu une journée porte ouverte pour découvrir les coulisses, avoir droit à des démonstrations, des ateliers, donc dans la carrière d'Audainville où se situe le spectacle. Cette journée portes ouvertes, est-ce que c'est une première ? Ou est-ce que ça a lieu tous les ans déjà ? Non, ça fait plusieurs années que nous organisons cette découverte de l'envers du décor parce que nous avons accueilli près d'un demi-million de visiteurs. Cette année, on dépassera le demi-million de visiteurs, dont des habitants de notre région, bien entendu, au département du Grand Est. Et les habitants, en tout cas de notre territoire, nous ont fait savoir qu'ils étaient désireux, pour ceux qui peuvent venir à cette manifestation annuelle, pour voir comment nous organisons cette manifestation. Les visiteurs dans la tribune sentent, comprennent, constatent que c'est une manifestation qui exige un très important travail en amont, pendant et même après, et qu'il y a dans les coulisses, comme l'on dit, dans le monde du spectacle, beaucoup de disciplines qui sont mises en œuvre pour concourir à la réussite de cette manifestation. Donc, chaque année, on consacre une journée complète avec 100 bénévoles pour accueillir gratuitement, bien sûr, puisque c'est portes ouvertes, le public pour montrer l'envers du décor. Donc une centaine de bénévoles qui seront mobilisés ce dimanche 22 avril. 100 bénévoles sur les 500 que compte déjà ce spectacle chaque année ? Oui, c'est un petit peu moins, c'est 450, mais c'est énorme. En effet, vous avez raison de le souligner, cette manifestation, c'est d'abord une aventure humaine avec des hommes, des femmes, des enfants de la ville et du milieu rural, du Verdunois, mais également de l'extérieur du Verdunois, de notre région, de Meurthe-et-Moselle, Moselle, qui viennent pour participer à la manifestation, soit sur scène, d'ailleurs nous recherchons encore quelques 20 et quelques acteurs figurants, même s'ils n'ont aucune expérience. Nous avons un système très simple, c'est le binôme qui permet d'accueillir tout nouveau bénévole et de l'intégrer parfaitement déjà en une seule séance. Mais aussi dans les groupes dits techniques, ça va de l'accueil du public, au placement tribune, à la lumière, aux sons, aux effets spéciaux, aux costumes, etc. Donc c'est beaucoup de dévouement, 37 000 heures chaque année de bénévolat. Pour les gens qui viennent de plus loin, nous tâchons de trouver un hébergement sur place. Nous fournissons les repas au moment des week-ends pour les gens éloignés. Et c'est la principale caractéristique de cette manifestation, en fait, avant même tous les autres aspects qui sont perçus par le public, son côté grandiose, extrêmement poignant, très fouillé sur le plan historique, très enlevé en termes de rythme. C'est la rencontre de ces gens qui consacrent du temps pour transmettre une page d'histoire à un très large public. Vous avez mis le doigt sur ce qui fait le cœur de la manifestation. Une aventure qui est née en 96. Vous imaginiez à l'époque que cette aventure durerait aussi longtemps ? Plus de 20 ans aujourd'hui ? Écoutez, franchement, non. Nous espérions qu'elle dure. C'était le 80e anniversaire de la bataille de Verdun. Nous pensions que ça allait durer encore quelques années. Nous sommes arrivés au 90e anniversaire. Nous voici maintenant à la fin du centenaire. Et c'est notre 23e année. Nous sommes optimistes, même au-delà du centenaire, parce que cette bataille de Verdun est entrée dans l'histoire pleinement. Elle est un symbole fort d'affrontement, mais aussi de paix, de réconciliation dans l'histoire de l'humanité. Et finalement, nous sommes heureux aujourd'hui de voir que notre aventure se poursuit et se poursuivra encore. C'est pourquoi, lors de ce week-end, on va faire partager nos différentes passions, parce qu'il y a différents métiers, entre guillemets. Nous sommes tous bénévoles, certes, mais dans le spectacle, on va faire des ateliers pour expliquer et montrer comment fonctionnent, par exemple, des effets spéciaux, comment on met en scène, comment on crée de nouveaux décors, et ainsi de suite. Donc, le public ne se contentera pas de voir, il y aura des démonstrations, et même dans un des ateliers, s'il le souhaite, il sera impliqué. Et petits et grands vont comprendre pourquoi cette aventure dure depuis si longtemps. On sera pile 2 mois avant le début des représentations, à première date le 22 juin. Oui. Des nouveautés cette année aussi dans les décors, dans les effets spéciaux ? Nous allons, dans une douzaine de domaines, apporter des modifications, mais aucune prise isolément ne sera spectaculaire. La première répétition a lieu la semaine dernière. Les groupes techniques sont à l'œuvre depuis l'automne dernier, un dimanche sur deux, et maintenant tous les week-ends. On va peaufiner beaucoup de points qui peuvent sembler détails, mais qui sont importants pour continuer notre progression. C'est le plus grand spectacle d'Europe sur 14-18. C'est aussi, en tout cas pour le territoire meusien, le premier événement en termes d'attractivité, de retombées médiatiques, de retombées économiques et d'implication de bénévoles. Donc c'est dans le détail maintenant, en tout cas pour l'année 2018, que nous allons mettre toute notre énergie. Et depuis l'automne, la question qui traverse tous les groupes, c'est de se dire comment peut-on faire mieux, peut-on faire plus fort, plus étonnant, renforcer même l'accueil du public, la convivialité avec le public. Et pour prendre une image, on a souvent des émissions à la télévision ou radio concernant la gastronomie, les plats. On sait que avec les mêmes ingrédients, puisque nous sommes en Lorraine, je vais parler de la quiche, avec les mêmes ingrédients, les mêmes quantités de produits, de cuisiniers, cuisinières, d'apprentis ou professionnels de bouche, restaurateurs talentueux, avec ces mêmes produits, ne vont pas nécessairement faire la même quiche, et que visuellement et dans la bouche, on aura peut-être deux quiches différentes et même très différentes. Ça veut dire que ça se joue dans le détail. Et c'est l'objectif cette année, ne rien laisser de côté, ne rien laisser au hasard pour progresser, parce que notre but, c'est encore de progresser, que les gens qui sont venus l'année dernière repartent cette année en se disant « Ah, ils ont encore fait ceci de nouveau, ils ont progressé ». On a été encore plus touchés par le spectacle. Alors rendez-vous ce dimanche 22 avril à partir de 13h15, donc Carrière d'Audainville, pour découvrir les coulisses des Flammes à la Lumière. Début des spectacles donc le 22 juin. Et on peut déjà réserver ses places. Et jusqu'au 1er mai, il y a encore des tarifs préférentiels. Oui, donc, nous sommes en tarif de pré-vente. Vente sur notre site internet, il suffit de taper Connaissance de la Meuse ou Spectacle Verdun. On est en première page bien sûr. Et ensuite, jusqu'à quelques minutes du début du spectacle, lorsque les tribunes ont encore de la place, ce qui est le cas en début de saison, on peut accueillir des spectateurs. Notre site se trouve juste à l'entrée de Verdun, en venant de la route de Nancy ou de Metz. C'est soit l'autoroute, soit la route. C'est au sud-est de Verdun et c'est fléché, des Flammes à la Lumière. C'est juste au nord de Audainville, qui est un petit village, et à l'entrée de Verdun, dans un site grandiose sur le bord de ses routes. Merci à Jean-Luc Demandre, président de l'association Connaissance de la Meuse. Retrouvez cet entretien en intégralité sur notre site internet fadjet.net, rubrique Actu à Nancy et ailleurs. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.